Leçon 1. Activité 2 et 3. Page 74. Piste 55. Tu sais, Loïc, j'aime bien la forêt. Pourquoi, Hugo? Quand je suis dans la forêt, je suis en pleine nature. Là, il y a des arbres et des oiseaux. Moi, je préfère la montagne avec ses rochers, ses rivières. C'est magnifique. J'adore la nature et j'adore la montagne.